Le pouvoir de dire oui. Le pouvoir de dire oui. Le pouvoir de dire oui. Le pouvoir de dire oui. Un texte David Ha, enregistré au Théâtre de la Ville, le 6 juin 2011. Ceci n'est pas une pièce. C'est une histoire qui n'a pas la prétention d'être une pièce. Tout juste d'être une histoire. Mais quelle histoire ? Comment le capitalisme a pilé et calé net ? Où étiez-vous le 15 septembre 2008 ? Vous vous en souvenez ? Vous n'avez rien remarqué ? Rien ? Vraiment ? Le capitalisme a cessé de fonctionner pendant près de 4 jours. Cet été, j'ai entrepris de découvrir ce qui s'était passé. The power, power, the power, power, power, the power, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oui, oui, oui, oui, yes, yes, yes, oui, yes, oui, yes, oui, yes, oui, yes, yes, oui, yes. The power of yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Yes. J'ai réfléchi à la manière d'en faire une pièce. Et je serais très heureux de vous faire partager les fruits de mon inspiration, si ça vous tente. Hein? Le temps que votre pièce sorte, tout sera terminé. J'aurais plutôt cru que votre problème en tant qu'auteur dramatique, c'est que cet événement, aussi important qu'il soit, est un événement abstrait. La crise bancaire peut représenter un intérêt anthropologique, à part ça, rien d'autre. Comment diable voulez-vous donner vie à la titrisation de la dette ? Cela dit, sur ce plan, je m'en remets à vous. Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui me fait confiance. Mais surtout, s'il vous plaît, n'allez pas écrire une pièce pour en conclure que les banquiers sont tous de grosses raclures, parce que, alors là, vous écrirez ce que les gens pensent déjà et la pièce sera d'un ennui mortel. Je vois d'ici tous les problèmes qui vous attendent. Pourquoi aller raconter aux gens ce qu'ils croient déjà ? À quoi ça rime ? Bah, à rien. J'ai vu vos dernières pièces, Stuff Happens et The Permanent Wave. Alors, ok, vous pouvez dire qu'en Irak et dans les chemins de fer, il y a eu des morts, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu un seul mort. Et on en est encore très très loin. J'ai écrit un livre sur l'euro, et personnellement, je pense que c'est une histoire extrêmement captivante, mais j'ai eu un mal fou à persuader le reste du monde que c'était aussi excitant pour eux que pour moi. Nous n'avons même pas commencé à absorber la catastrophe financière la plus grave de toute l'histoire du Royaume-Uni. Alan Grispen, ça c'est un personnage intéressant. Vous pouvez écrire une pièce entière sur lui. Grispen. C'est un méchant formidable. Alors, voilà, vous tenez votre méchant. Vous savez qu'il est obsédé par Ayn Rand. Ah non, ça je ne savais pas. Ayn Rand, la romancière. Il en est obsédé. Si pour vous vraiment un méchant, le nec plus ultra, c'est Fred Goodwin. Cet enculé de Fred Goodwin. Ah, quel connard. Putain, quel culot. Fred Goodwin, la honte. La honte. Non, le vrai méchant, c'est Gordon Brown. Je pensais que c'était évident. Tout ça s'est passé sous un gouvernement travailliste, pas sous un gouvernement conservateur. On n'en sera pas sorti avant 2025, vous imaginez ? Pour moi, Brown ressemble à ce capitaine qui, quand son navire vient percuter les rochers, se jette dans le canot de sauvetage. Et qui ensuite, quand le canot a une voie d'eau, déclare « Je sais ce qu'il faut faire !» Et il vous fourre son gros cul dans le trou. Non mais franchement, je trouve qu'il s'est comporté d'une façon immorale, profondément immorale. Et si c'est une pièce, alors c'est une tragédie grecque. Vous marchez en plein rêve, et puis soudain, les furies débarquent. Et alors là, bonjour le réveil. Toute cette affaire est un merdier absolu. Non. Oh. Pour moi, toute cette affaire, je la vois comme une tragédie de Shakespeare. Et comme dans toutes les tragédies, à la fin, la scène se couvre de cadavres. Sauf que là, il n'y a pas de héros. David, pst. Oh, quitte à écrire une pièce, faites-en une comédie. Non, si c'est du genre sérieux, ça ne sera jamais que du baratin de politicard. C'est A qui a raison, non, c'est B. Personne n'a envie d'aller voir ça. Faites-en une comédie, parce que c'est drôle. Tragique, bien sûr, mais drôle. Je vous ai tout mis par écrit. Vous pouvez vous en servir, si ça vous dit. Si. Alors, tout le monde s'acharne à dire que c'est une histoire de peur, d'avidité... Oui, d'avidité, c'est ça. D'avidité pure et simple. D'avidité, de peur et d'arrogance. Des gens rendus fous, oui. Littéralement fous, par avidité. La peur... Et l'avidité sont les deux mamelles du capitalisme. Le capitalisme fonctionne quand l'avidité et la peur ont trouvé leur juste équilibre. Cette fois-ci, elles sont entrées en déséquilibre. Trop d'avidité, pas assez de peur. Je vous choque. Vous êtes choqué. Non, vous auriez préféré un système différent, c'est ça? Et tout le monde s'acharne à prendre les banquiers pour les méchants. Mais est-ce vraiment le cas? Non, les banquiers n'étaient pas les méchants. Ils n'étaient que les hamsters dans la roue. Bon, excusez-moi, mais honnêtement, messieurs, si vous persistez à vouloir écrire la pièce à ma place, nous n'irons nulle part. Moi, ce que vous devez me fournir, c'est le matériel, hein, pas la pièce. Oui, seulement, je suis frappé de voir combien c'est difficile. Et je sais que c'est difficile. Non, mais je vous en dis pas, c'est vraiment très difficile. Je sais que c'est difficile. Oui. Mais ça, c'est mon problème. Vous, contentez-vous de me raconter l'histoire. Il y a deux choses que vous devez comprendre en matière d'opérations bancaires. C'est une question d'effet de levier et c'est une question de risque. Masha Serdarevic, sur le point de rejoindre le Financial Times. Avez-vous la moindre idée de ce dont je vous parle? Pas encore, mais je garde espoir. Votre argent, où est-ce que vous le conservez? À la poste. Ok. Ok. À la poste. Oui. Elle est payée par le National Theatre pour expliquer à l'auteur les rouages de la finance. Elle a 23 ans. Désolée, je ne connais rien au théâtre. Ah, aucune importance, vraiment. Mon frère y va, il a entendu parler de vous. Ah, bien. Allez-y. Alors, commençons par quelque chose de simple. John Maynard Keynes. Selon Keynes, toute innovation financière est une innovation en matière de levier. En gros, le levier, c'est le ratio entre ce que vous empruntez et ce que vous possédez. Une banque prend votre argent et le fait travailler. Bon, ça, je comprends. Et les banques font semblant de conserver votre argent. Mais en fait, il n'en est rien. Elles le prêtent, ce qui leur permet de se faire de l'argent. Cela dit, évidemment, quand elles prêtent de l'argent, elles prennent un risque. Et elles prennent un risque encore plus élevé quand elles prêtent à des gens dont il n'est pas certain qu'ils pourront rembourser. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Ah oui, les subprimes. J'en ai entendu parler. Ça signifie prêter à des gens qui ne sont pas fiables. Des gens aux revenus irréguliers, des gens normaux, quoi. L'autre type de risque que prennent les banquiers, c'est quand ils effectuent des opérations financières exigeant de deviner ce qui pourrait bien se passer dans l'avenir. Excusez-moi, ce serait pas ça qu'on appelle la spéculation ? Tout à fait. Mais jusqu'à tout récemment, même si les gens n'arrêtaient pas d'inventer des tas de systèmes tous plus ingénieux ou délirants, personne ne croyait vraiment que les mathématiques pouvaient servir à prédire l'avenir. Mais alors, Myron Scholes inventa une formule. Myron Scholes a co-dirigé un hedge fund à Greenwich, dans le Connecticut. Ce fonds s'appelait Long Term Capital Management. Attendez. Et un hedge fund, c'est quoi en fait? Alors, un hedge fund, c'est en substance un fonds d'investissement destiné aux professionnels et autorisé à recourir à des stratégies à haut risque. Et qui dit haut risque, dit haut rendement. Donc, continuez. En 1973, Scholes et un collègue d'université, Fisher Black, inventèrent une formule algébrique permettant de déterminer le prix des options. Excusez-moi, alors dites-moi ce que c'est qu'une option. Ok. Si une action vaut aujourd'hui une certaine somme, et si je pense qu'elle vaudra le double dans 6 mois, alors j'ai tout intérêt à avoir l'option d'acheter cette action dans 6 mois à un prix légèrement inférieur à celui que je pense qu'elle atteindra. En d'autres termes, j'ai la possibilité d'acheter tout de suite le droit d'acheter cette action dans l'avenir. Et si au final je ne l'achète pas, alors je n'aurai perdu que les frais engagés. Mais si je l'achète effectivement 6 mois plus tard à un prix inférieur à son nouveau prix, j'aurai alors réalisé un profit. Mais en fait, c'est un pari. Oui, oui, c'est un pari. Un pari sur l'avenir. Et dès lors, pour le vendeur, l'enjeu crucial consiste à fixer le tarif auquel facturer l'option. Scholes et Fisher Black, qui sortaient de Harvard, vous noterez que c'est un vrai leitmotiv. Parmi tous ceux qui ont foutu en l'air le capitalisme, le nombre de gens qui sortaient de Harvard. Et certains sortaient de Harvard, d'autres de Goldman Sachs, la plupart des deux à la fois. Bref, ils affirmèrent qu'il était possible de recourir aux calculs informatiques modernes pour gérer le risque par des moyens mathématiques. C égale S multiplié par N, parenthèse D1, qui est la région sous la courbe normée à D1, moins X multiplié par E, à la puissance négative RT multiplié par N, parenthèse D2, qui est la région sous la courbe nommée D2. D1 égale log de S divisé par X plus, ouvrez la parenthèse, R plus sigma carré divisé par 2, fermez la parenthèse. Multiplié par T, le tout divisé par sigma fois racine carrée de T. D2 égale D1 moins sigma fois racine carrée de T. Alors, grâce à cette formule, il est possible de tomber pile sur le prix de vente optimal pour les contrats d'option. Est-ce que quelqu'un a une question ? Donc, en 1994, Scholes devint associé au sein d'un hedge fund à la réussite impressionnante, au point d'afficher des profits de 43 puis de 41%. Il n'y a qu'à s'incliner. Scholes insista sur le fait que tout portefeuille soumis à ses projections mathématiques devait impérativement être réparti sur autant de positions que possible. Ainsi, même si une ou deux d'entre elles s'effondraient, les lois de la probabilité excluaient un effondrement total et simultané. Le fonds emprunta massivement en recourant massivement à l'effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire, massivement ? Le ratio emprunt-capitaux propres pouvait atteindre 50 pour 1. Rétrospectivement, ça me paraît incroyable qu'on ait imaginé pouvoir éliminer tout risque à l'aide de modèles mathématiques. George Soros, ex-manager de hedge fund, a spéculé contre la livre sterling en 1992. Aujourd'hui, philanthrope mondial et philosophe, valeur nette estimée 11 milliards de dollars. Ils y croyaient vraiment qu'on pouvait tout prévoir. Pour ma part, j'avais 13 ou 14 ans quand les nazis sont entrés dans Budapest. Alors, j'ai plutôt l'habitude des situations désaxées, où la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mon père, déjà, m'avait appris qu'il y a des moments où les règles normales ne s'appliquent plus. Appris à m'attendre à de tels moments, à les reconnaître. Quand j'étais enfant, mon père m'avait raconté comment il avait survécu à la Révolution russe. Il était plein d'histoires merveilleuses. Nous savions qu'il y a des moments où plus rien n'est normal. Et nous savions comment faire avec. Quand les Allemands sont arrivés, notre famille a survécu parce que nous avions de l'expérience. Alors non, j'avoue, je ne les ai pas crus quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient prévoir l'avenir. En 1997, Myron Scholes a reçu le prix Nobel d'économie. Un an après, conséquence des faiblesses de l'économie russe, Long Term Capital Management enregistra des pertes que ses ordinateurs avaient déclarées mathématiquement impossibles. En 4 mois, ce fut la faillite. En 2004, une cour fédérale américaine jugea la société de Scholes coupable d'évasion fiscale. Aujourd'hui encore, le modèle Black-Scholes demeure la formule et la référence internationale du calcul du risque. Ce qui s'est passé durant les 20 dernières années, c'est que les banques se sont mises à utiliser l'argent de leurs clients pour faire des paris que personne ne comprenait vraiment. Harry Lovelock, avocat d'affaires, a représenté certaines des plus grosses sociétés anglaises lors des fusions-acquisitions à la CD. Ce n'est pas un hasard si les opérations bancaires sont devenues si compliquées. Parce que plus c'est compliqué et moins il y a des gens qui comprennent. Et ça, ça convient très bien aux banquiers. Pour asseoir son autorité, il faut savoir entretenir la mystique. Parier, très bien, je n'ai rien contre le fait de parier. Avec son argent. Mais quand vous commencez à parier avec l'argent de vos clients, alors là, c'est autre chose, non? C'est là que surgissent les problèmes éthiques. Pour comprendre l'histoire récente de ce pays, vous devez comprendre l'histoire du New Labour, le nouveau parti travailliste. Je vous présente David March. Hello, David. Hello, David. David March, PDG de London and Oxford Capital Markets Public Limited Company. A travaillé au Financial Times. Attendez, tout le monde travaille au Financial Times dans cette histoire ou pas? London School of Economics, Goldman Sachs, Financial Times, ça couvre à peu près tout le monde. Le New Labour est arrivé au pouvoir déterminé à faire la preuve de sa compétence économique. Ça va de soi. Il voulait contrer la sempiternelle accusation faite au gouvernement travailliste de finir systématiquement en banqueroute. Pour y parvenir, il devait démontrer qu'il ne constituerait une menace ni pour les affaires, ni pour la City. Au XIXe siècle, la City avait été un immense catalyseur. Elle finançait les chemins de fer en Amérique du Sud, les mines d'Afrique du Sud. Eh bien, au XXe siècle, Margaret Thatcher a voulu remettre ça. Alors, son coup de maître consista à stopper le contrôle des échanges, libéralisation des marchés et dérégulation. Et en 97, Brown et son vieil ami Bowes eurent l'idée de découpler la banque centrale du gouvernement, ne donnant à celle-ci qu'un seul et unique objectif, le contrôle de l'inflation. Oui, quoi qu'il en soit, histoire de doper l'indépendance, Brown décréta également que la banque centrale ne serait plus chargée de la régulation. Un nouvel organisme, l'autorité des services financiers, la FSA, Financial Services Authority, fut créée peu après, afin que la banque centrale puisse se concentrer exclusivement sur la politique monétaire. Alors on pense que cette idée d'une régulation découplée leur fut inspirée par l'ancien directeur de la Réserve fédérale américaine, la Fed, le célèbre et énigmatique Alan Greenspan. Alan Greenspan, lauréat du prix Enron pour service et mérite rendu à la nation. Si vous pensez m'avoir compris, c'est que je me suis mal exprimé. Brown adorait Greenspan. Il y a même une plaque à son nom au Trésor public. C'est incroyable, ça. Non, j'imagine pas un seul instant que Greenspan ait été responsable du découplage, ni qu'il ait été impliqué à un tel niveau de détail. Un analyste financier de la Banque d'Angleterre doit conserver l'anonymat. Cela dit, il y a tout de même cette plaque ridicule au Trésor public. C'est l'autorité des services financiers, la FSA, qui a autorisé la Royal Bank of Scotland à laisser gonfler sa dette à un niveau dépassant 30 fois ses capitaux propres. Au bon vieux temps, la Banque d'Angleterre aurait au moins froncé les sourcils. Hein, vous avez déjà entendu cette expression? La régulation par les sourcils? Non, jamais. Ça veut dire qu'ils auraient regardé le bilan, appelé Fred Goodwin et dit « Du calme, mon vieux. » Aujourd'hui, les gens sont nostalgiques de la régulation telle que l'a pratiquée la Banque d'Angleterre. C'est complètement absurde. Il fallait que ça change. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un pour diriger la FSA. Alors c'est le sous-gouverneur de la Banque centrale qui a dû s'y coller. C'est vrai, j'avais aucune intention de devenir directeur de la FSA. Howard Davis, ex-sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre, aujourd'hui directeur de la London School of Economics. Alors, voici la question tant attendue. Tout ça est-il de votre faute? Putain, alors ça non, hein, carrément pas. Ouais, mais les gens vous le reprochent, pas vrai? Oui, je me tape une bonne dose de reproches et ça m'agace vraiment. Je n'en doute pas. Non, ça m'agace, carrément. Non, je n'en doute pas. Bon, parce que en réalité, la crise financière est due à deux choses. Elle est due aux produits dérivés et elle est due à l'immobilier. Moi, j'ai quitté la FSA en 2003. À ce stade, les credit default swaps, ces couvertures de défaillance qui furent la cause majeure du problème, représentaient environ 3 milliards de dollars, de livres sterling, pardon. Au moment où tout s'est effondré, ils avaient atteint 63 milliards de livres. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Alors oui, ça me fout vraiment en rogne. Ça ne s'est pas produit sous mon mandat. Bon, Si vous me posez la question de base, au moment de l'explosion, suis-je resté planté là sans me rendre compte de rien ? Alors la réponse est non. Mais vous pouvez aussi me poser la question de fond, ai-je conçu l'appareil défectueux qui a provoqué tout ça ? Excusez-moi, vous permettez ? Mais très volontiers, allez-y. Tout ça est nouveau pour moi, mais c'est bel et bien vous qui avez conçu l'idée de régulation modérée. C'est un fait. À la FSA, nous avons vraiment cru à l'approche coopérative. Nous nous sommes vus en chien de garde, mais pas en chien policier. C'était un choix. Appelons ça la défense Davis. Et pour autant que le terme modéré signifie quoi que ce soit, il signifie qu'en général, toute institution découvrant son erreur venait tout nous dire. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus sévères là-dessus. Impossible de faire un pas sans un avocat. Alors expliquez-moi, pourquoi c'est eux qui se sont retrouvés avec des escrocs comme Bernie Madoff ou Alan Stanford ? Écoutez, vous n'allez pas me dire, ni vous ni personne, que Gordon Brown s'intéressait à la régulation. Paul Hammond, chasseur de tête chez Hammond Partners, spécialisé en recherche de personnel financier à l'échelle planétaire. Il se foutait complètement de la régulation. Vraiment ? Mais je croyais qu'il avait l'obsession de tout contrôler. Gordon Brown ne s'intéressait absolument pas à la régulation. Il n'a jamais fait la moindre critique sur la moindre de nos actions. Avez-vous la moindre idée de ce qui est arrivé au secteur financier quand Gordon Brown était ministre des Finances ? Non ? Non, dites-moi. Le secteur financier se dilata jusqu'à peser 9% de l'économie britannique. 9%. Il se mua en Hong Kong made in Britain. À mesure que l'industrie britannique déclinait, elle se voyait remplacée par des services financiers britanniques. Faut dire que Londres bénéficiait d'une situation idéale. Pile au moment où Tokyo clôture, Londres ouvre. Et quand New York ouvre, Londres n'a pas encore clôturé. C'est ainsi que Londres devint la capitale financière du monde. La City fournissait au gouvernement 27% de ses impôts. C'était sa vache à lait. Évidemment qu'il n'allait pas la réguler, puisqu'avec l'argent qu'elle lui générait, il pouvait faire tout ce qui l'intéressait vraiment, des écoles, des hôpitaux. Brown voulait bien de la City aussi longtemps qu'elle générait d'énormes quantités de cash. 60 trimestres de croissance. Jonathan Crudas, député. 60 trimestres de croissance. S'est présenté à la présidence du Parti travailliste en 2007, considéré comme un candidat progressiste potentiel. Non, mais gardez bien ça à l'esprit, hein. La plus longue période de croissance ininterrompue en 3 siècles. Le nouveau parti travailliste a tout misé sur les services financiers. Et ça a payé. Tony Blair nous a dit qu'il s'agissait d'une économie nouvelle, que les cycles ancestraux du capitalisme avaient été abolis, que les solutions de l'ancien parti travailliste, basées sur la lutte des classes, avaient perdu toute pertinence, puisque les lois de l'économie politique étaient désormais suspendues, qu'il s'agissait d'une société nouvelle, et que le nouveau parti travailliste était le seul à la comprendre. Que ce n'était plus la peine de se poser des problèmes de redistribution, puisqu'il y avait la croissance. La fin de l'histoire. Terminé le fil des âges, les cycles d'ascension et de déclin. Non, vous savez, il y avait cette obsession de l'inflation. Les banques centrales et les hommes politiques pensaient que tout roulait, que tout ne pouvait que rouler, puisque l'inflation était sous contrôle. En réalité, l'économie était traversée de 1000 autres phénomènes, mais personne ne regardait. Oui, le système dans son ensemble était considéré comme parfait. Et ça me dérangeait beaucoup. Après tout, les systèmes sont faits pour être mis en cause, non ? Pour qu'on se dise, d'accord, ça marche bien quand tout va bien, mais comment ça va fonctionner quand il ira mal, hein ? Le plus hilarant, c'est que loin de réclamer davantage de régulation, Blair fit, en 2007, un discours pour en réclamer moins. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, Alan Greenspan se félicitait d'avoir évité la récession qu'aurait pu entraîner le 11 septembre. Il faut se remettre dans le contexte. Les gens croyaient que c'était la fin du monde. Alors Greenspan concocta un boom économique. Il ouvrit grand les vannes à un flot d'argent bon marché et roulait jeunesse, que la fête commence. Brown fut acclamé comme le meilleur chancelier de tous les temps. Seulement, vous connaissez cette pratique des conquérants romains qui avaient à leur côté des hommes pour leur murmurer « Sic transit gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. Eh bien, il aurait fallu à Gordon quelqu'un pour lui murmurer « Régule !» Brown n'avait rien aboli, ni boom ni crack. Il nous avait conduit au plus grand boom de tous les temps. Désormais, il allait nous plonger dans le plus grand crack. Dépréciation d'actifs des grandes banques mondiales pour l'année 2008. Aux États-Unis, Bank of America perd 11,8 milliards de dollars. $22,4 milliards de dollars. Goldman Sachs, 6,2 milliards de dollars. Meritage, 14,5 milliards de dollars. Morgan Stanley, 7,9 milliards de dollars. Batchovia, 8,4 milliards de dollars. En France, BNP Paribas Fer, 5,2 milliards de dollars. Crédit Agricole, 5,4 milliards de dollars. CSA Natixis, 2,1 milliards de dollars. Ça va, vous tenez le coup? Ça va. Non, vraiment, ça va, si, si. Si, si, ça va, ça va. Un verre d'eau? Non, merci. Parce que là, je vais vous faire remonter aux sources du grand désastre. Vous êtes prêts? Je crois, oui. À la base, il y a deux facteurs déclencheurs. Les prêts hypothécaires à risque, ou subprime mortgage, et la titrisation de la dette. Non, mais n'allez pas croire que je suis perdu, hein, je vous suis. Bon. Je m'accroche. Bon. Alors, allez-vous employer le terme toxique? J'allais le faire, oui. Pas d'inquiétude, hein, je ne panique pas. Je réalise. Ça peut paraître de la panique, alors que c'est juste le fait de réaliser. D'accord, je vais y aller doucement. Ah non, quoi que vous fassiez, n'y allez pas doucement. Et pourquoi pas? Parce que ça relève de mon domaine de compétence, Macha. Vous y connaissez en finance, moi, je m'y connais en rhétorique. Si vous y allez doucement, personne ne comprendra. Un exemple. Voici l'hiver de notre déplaisir changé en glorieux été par ce soleil d'York. Vous voyez à ce tempo-là, votre cerveau débranche, hein. Alors, c'est pas un hasard, il a été scientifiquement prouvé que la pulsation de base du pentamètre iambique correspondait à la vitesse des ondes du cerveau. Ainsi, voici l'hiver de notre déplaisir changé en glorieux été par ce soleil d'York. Alors je vous en prie, hein, allez-y carrément. Ok, c'est parti. Le capitalisme anglo-saxon a le fétichisme de la propriété immobilière. Vous devez être propriétaire de votre domicile. Et une maison, ce n'est pas qu'un lieu de vie, c'est aussi un jeton de casino. Car pour l'acheter, il y a de bonnes chances que vous deviez emprunter. Et une fois que vous l'avez acheté, vous détenez un actif. En théorie. Et une fois que vous détenez cet actif, eh bien vous pouvez emprunter davantage. Au bon vieux temps, les banques plongeaient leurs racines dans leur communauté. Vous connaissiez votre banquier, il s'appelait Martin ou Philippe, et il vous accordait un prêt hypothécaire parce qu'il vous faisait confiance. En réalité, c'est ça. Le vrai sens du mot crédit, la confiance. C'est une belle idée. En effet. Le crédit, la confiance. Oui, mais soudain, les courtiers hypothécaires se sont rendus compte que désormais les banques étaient prêtes à racheter et à répercuter tous les prêts susceptibles d'être émis. Prêter de la dette devint un business gigantesque, générant des profits gigantesques. Et pour évaluer la qualité des hypothèques, les banques se mirent à dépendre d'agences de notation professionnelle. Sous la pression des banques, ces agences devinrent plutôt généreuses dans leur notation. De façon mystérieuse, tout le monde recevait la note AAA. Car plus les agences notaient large, plus les banques pouvaient prêter. Et au même moment, Alan Greenspan dit une chose assez révélatrice. Dans une économie de marché fondée sur le droit de propriété, il est crucial que le nombre de personnes ayant un intérêt particulier à faire marcher ce système soit aussi vaste que possible. Puis, George Bush déclara « Nous voulons qu'en Amérique, tout le monde soit propriétaire de son domicile. » Après ça, le seul critère pour obtenir un prêt devint « Est-ce que vous êtes en vie ?»« Si vous êtes en vie, on vous accorde un prêt. » Voilà, c'est à mon retour en Californie. J'ai commencé à remarquer qu'il se passait quelque chose. Scott Rudman, fondateur d'un groupe de capital investissement, Nectar Capital. Et quoi donc? Qu'est-ce qui se passait? C'était très étrange. Formé à Harvard. Tous mes amis étaient devenus courtiers hypothécaires. Je me disais, c'est bizarre. Combien de courtiers hypothécaires peut compter une seule et même ville? Et ils octroyaient des prêts d'un million de dollars à des gens qu'ils appelaient des ninjas. Vous connaissez ça, les ninjas? Oui, ni revenus, ni job, ni actif. Ninja. C'est ça. David March, à nouveau. Alors bientôt, il y eut 1 million de courtiers hypothécaires aux États-Unis. Et quand vous alliez les voir pour leur dire « je peux pas rembourser mon prêt », ils vous répondaient « pas de souci, on va vous en accorder un plus gros, comme ça votre problème sera réglé ». Et alors, à force de s'endetter massivement, les banques cherchèrent un moyen de compenser le risque qui était associé. Et c'est là qu'elles eurent cette idée de titrisation de la dette. Ah ! Alors, nous y voilà. Voici le principe. Plutôt que de supporter seul tout le poids de la dette, plutôt que de s'y agripper, on la découpe en petits morceaux et on la vend par petits paquets. Tu me prends un bout de la mienne, je te prends un bout de la tienne. Ça s'appelle le slicing and dicing. La dette à la tranche et à la découpe. Et en 10 ans, cette façon de traiter la dette, on la divise et on la vend par paquets, a fini par la rendre totalement méconnaissable. Tout le monde prenait la dette de tout le monde. Vous prenez un paquet, mais vous ne regardez pas forcément ce qu'il y a dedans. Parce qu'en théorie, c'est un actif. Dans votre bilan, ce que vous avez, c'est un actif. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec un actif? Eh bien, vous pouvez vous en servir pour emprunter davantage. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que l'invention de ces nouveaux instruments a rendu possible certaines choses qui, sans ça, ne l'auraient jamais été. Une quantité d'argent gigantesque s'est mise à inonder la planète, et les banquiers étaient tout disposés à procurer de l'argent à tous ceux qui, parmi nous, aspiraient à vivre au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire à peu près nous tous. Dette de consommation, dette de carte de crédit, dette de prêt hypothécaire, tous les types de dettes contractables, nous les avons contractées. De peuples producteurs, les États-Unis et le Royaume-Uni sont devenus des peuples emprunteurs. Tout devenait possible. Alors pourquoi ? Parce que les anciens et les banquiers nous avaient inventé l'outil, le moyen d'obtenir tous plus d'argent que nous n'en gagnions. Voilà, c'est l'invention nouvelle. C'est cette titrisation qui fit franchir un seuil nouveau à la démesure. Ses profits étaient tels qu'ils conduisirent des gens à croire « Ça y est, nous avons trouvé une nouvelle parade contre le risque. » Rien n'était plus faux. C'est intéressant d'ailleurs. En fait, ce fut tout l'inverse. Ils avaient aggravé le risque. Vous savez, il y a cette petite phrase lâchée par Giscard d'Estaing à propos du privilège exorbitant. Des États-Unis, ça vous dit quelque chose? Non. Privilège exorbitant. George Bush n'avait aucun problème à faire grimper la dette publique, car ça allait de soi. Les États-Unis étaient une forme d'exception historique. Too big to fail. Trop gros pour faire faillite. C'est ça, oui. C'est ça. Et ils échappaient à toutes les règles? Oui, c'est ça. Mais les États-Unis? Ils pouvaient pas faire faillite. Parce que si les États-Unis faisaient faillite, alors tout le monde faisait faillite. Oui, Bush croyait dur comme fer que l'Amérique échappe à toutes les règles. Le paradoxe, c'est que quand le crack est arrivé, tout le monde s'est rué sur le dollar pour s'y réfugier. C'est quand même dingue, les investisseurs ont vraiment plongé dans la gueule du loup, à la source même du chaos. Et les gars de Wall Street méritent vraiment toute notre admiration, non mais vraiment. De façon périodique, ils vous pondent des produits incroyables. La titrisation, ce n'est jamais qu'un avatar des junk bonds, les titres pourris. Si la titrisation représente un tel danger, c'est parce que sur un marché normal, quand quelqu'un fait défaut, c'est le prêteur qui souffre. Les fauteurs sont les payeurs, comme dans la vie. Très juste. Parce que la personne à l'origine du prêt n'est autre que la personne détentrice du prêt. Ben oui, c'est la même personne. Ben oui. Mais une fois que l'origine et le détenteur du prêt ont été dissociés, la souffrance se met à se promener. Et à se promener sous forme déguisée. Vous vous cognez l'orteil, mais c'est au coude que vous avez mal. Alors, je connais bien l'Allemagne. Ce qu'il y a de triste avec les Allemands, c'est qu'ils désapprouvaient ce genre de pratique. Leur credo, les Allemands, c'était pas vivre au-dessus de leurs moyens. Mais, alors, pour cette raison même, ils avaient de l'argent à épargner. Et cet argent, il fallait bien qu'ils le placent quelque part. Et donc le tragique de l'histoire, c'est qu'ils ont fini par placer leur argent dans des instruments financiers à risque. Autrement dit, les États-Unis ont exporté leurs problèmes dans le reste du monde. Mais prenez l'Islande. L'Islande, ça c'est un cas très intéressant. David Freud, banquier et expert en privatisation, a lancé en bourse British Airways, a lancé en bourse British Steel, a lancé en bourse Eurotunnel. Oui, ça c'est vraiment une histoire intéressante. Et pourquoi ? Ex-Financial Times. J'ai un ami qui a cherché à savoir pourquoi il y avait désormais tant de banques en Islande. L'Islande n'avait pas de banque et soudain, elle se mit à en avoir beaucoup. Oui, c'est étrange, je me souviens, tout le monde s'est mis à parler de l'Islande. Oui, il s'avéra que 5 amis vivaient dans un même fjord. Et l'un d'eux se demanda, de quoi a-t-on vraiment besoin pour développer une affaire ? On a besoin d'un levier. Et c'est ainsi qu'il en a déduit les règles suivantes. 1. Si vous voulez un levier, empruntez. 2. Si vous voulez un gros levier, achetez une banque. 3. Si vous voulez un gros, gros levier, acheter une banque d'investissement. Parce que si vous avez une banque d'investissement, vous pouvez emprunter autant que vous voulez. Et c'est ainsi que, pour obtenir un levier, l'un de ces hommes d'affaires acheta une banque. Et tous ses amis du même fjord se sont dit « Je vais quand même pas le laisser prendre cet avantage sur moi. » Si bien qu'ils achetèrent eux aussi des banques. Et tout d'un coup, voilà qu'il y a en Islande 5 banques d'investissement. Et c'est pour ça que le pays tout entier est aujourd'hui en faillite. Voilà ce qui se passe quand survient une bulle spéculative. Vous n'avez aucune vue d'ensemble. Vous ne voyez que la personne à côté de vous, le type, là, sur le même fjord, et vous vous dites « Ah, il gagne de l'argent, lui. Pourquoi pas moi ?» Excusez-moi. Quoi ? J'écoute tout ça. Ça fait des semaines que j'écoute ça, que je fais semblant de comprendre, mais en fait, je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Mais au niveau mondial, les taux d'intérêt se montent à quoi ? 4%, 5%, et soudain, des banques islandaises surgissent et offrent 10%, et personne ne se demande, mais comment est-ce possible ? Mais est-ce vraiment possible qu'en Islande, les banquiers soient 5% plus intelligents que les banquiers du reste du monde ? C'est possible, ça ? Personne ne se dit, ça pue à mort ! Et si quelqu'un vous offrait 10%? Mais ça pue à mort ! Et ensuite, alors, Bernie Madoff vous offre 15%, 15% chaque année, mais ça pue à mort ! Oui, mais si vous gérez un fonds de pension, que les taux d'intérêt sont bas, et que les gens vous disent « j'ai un plan qui peut vous faire gagner plus », c'est très très dur de dire « oh non merci, moi je préfère continuer à gagner moins ». C'est très dur de dire ça, non ? Les gens vont se mettre à penser que vous êtes stupide. Vous ne comprenez pas. Une fois que vous êtes dans une bulle spéculative, cela exige des nerfs d'acier pour ne pas se laisser entraîner, là. Ma façon de le présenter, c'est qu'une bulle est toujours une bonne idée, dans laquelle les gens intelligents investissent. Après quoi, les idiots suivent. Sir Ronald Cohen, pionnier du capital risque au Royaume-Uni. Première recrue du Private Equity Hall of Fame. Les gens intelligents sortent, tandis que les idiots mettent les bouchées doubles. La titrisation était une idée parfaitement intelligente, il n'y a rien à redire en soi. Mais elle dépend effectivement de la qualité de la notation. Une grosse partie de ces titres n'était pas correctement notée. Si les notes avaient été fiables, alors le système aurait marché. George Soros, à nouveau. En 1998, Greenspan a fait un discours célèbre dans lequel il adressait une mise en garde contre les bulles. Et les gens buvaient ses paroles. Il y déclarait que les bulles n'étaient qu'exubérance irrationnelle. Mais il s'est trompé. Les bulles ne sont pas irrationnelles. Quand je vois une bulle qui arrive, ça m'excite, je participe, j'achète l'action. On achète l'action quand on voit la bulle. Je n'appelle pas ça être irrationnel. J'appelle ça être éminemment rationnel. Mais il y a bien plus intéressant que ça, c'est le discours qu'il n'a pas fait. Et quel discours ? En 2004, il n'a pas fait de discours pour condamner l'appétit gargantuesque pour le risque. Ça, c'est le discours qu'il aurait dû faire et qu'il n'a jamais fait. Ah, j'aime bien cette expression. C'est de qui, ça ? C'est de moi. Oh. Les gens s'endettaient pour acheter des avions, ils s'endettaient pour acheter des maisons, ils s'endettaient pour acheter des œuvres d'art, ils s'endettaient pour tout et n'importe quoi. Greenspan croyait que c'était le marché qui s'auto-régulait. Vous prenez une mauvaise décision, le marché vous punit. Pour Greenspan, c'est ça la régulation. Mais en fait, il s'avère que sur un marché à la hausse, vous pouvez être récompensé pour de mauvaises décisions. Il y a eu comme ça un boom pendant 17 ans. Et pendant ce boom, pour tous ceux qui ne voulaient pas changer, ça n'a pas très bien marché. C'était darwinien. Plus on gagne de l'argent, plus on survit longtemps dans notre business. Si on fait fortune, on est un génie. Si on ne fait pas fortune, on est un imbécile. C'est comme ça que ça se passait. Et tout le monde s'est laissé berner par le fait que le boom dure si longtemps. La vraie raison ? La vraie raison, c'est qu'en Chine, les gens travaillaient pour 46 cents de l'heure. Voilà pourquoi. Et donc l'inflation était maintenue à un niveau artificiellement bas. Parce que tous ces produits pas chers inondaient le marché. Ils travaillaient pour nous et pour rien. Tout ce que vous aviez à faire pour gagner de l'argent, c'était d'être au bon endroit, au bon moment. Vous misiez, et à chaque fois que vous misiez, vous gagniez. En fait, après une vie passée à la City, j'ai rencontré une flopée d'hommes d'affaires de premier plan, si bien qu'à la fin, j'en ai conclu que rien ne vaut un entrepreneur de génie. Ou un banquier. Ou un banquier, oui. Ça n'est jamais qu'une affaire de chance. Paul Hammond, à nouveau. Il y a un proverbe que l'on répète souvent dans notre métier. Ne confond jamais le génie et un marché en hausse. Vous pouvez avoir gagné beaucoup d'argent, mais ce serait pure folie d'imaginer que ça a quoi que ce soit à voir avec votre talent. Quand le marché est en hausse, n'importe qui peut gagner de l'argent. Bon, écoutez, si vous êtes un banquier intelligent, alors quand ça part en vrille, vous savez que ça part en vrille, bien sûr, vous le savez au plus profond de votre cœur, bien sûr. Mais ça ne vous empêche pas de vendre. Même si vous pouvez sentir que ça va finir dans les larmes. Alors, pourquoi vous ne vous arrêtez pas? Parce que les marchés n'ont qu'une seule règle. Et cette règle, c'est quoi? Caveat emptor. Acheteur, prends garde. Voilà, c'est ça la règle. Caveat emptor est le credo qui vous dégage de toute culpabilité. Si vous concevez un produit et qu'il est stupide, alors à l'acheteur de juger. Vous n'essayez pas de forcer la main des gens. Vous leur dites, c'est à prendre ou à laisser. Et au bout du compte, vous pouvez avoir la conscience tranquille. N'allez surtout pas y voir une conspiration. Mais je ne comprends pas. Parce que, à l'évidence, vous devez bien vous rendre compte que personne ne comprenait ce genre de choses. Personne ne comprenait. Même Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale américaine, ce bon vieux Greenspan, il ne comprenait pas. Il a dit que des centaines de gens avec des doctorats travaillaient pour lui et qu'il ne comprenait pas non plus. Est-ce que c'était pas irresponsable de sa part de laisser exister ce genre de choses s'il ne les comprenait même pas lui-même? Pas si vous avez la foi, comme Greenspan. Au regard de ses propres principes, sa position est extrêmement sensée. Greenspan a foi dans les marchés, dans la sagesse des marchés. Il est comme quelqu'un qui roule en Mercedes. En réalité, celui qui roule en Mercedes, il n'a pas besoin de savoir comment marche l'engin. Il est prêt à déléguer le doux ronronnement du moteur au mécanicien. Il est plutôt confiant, il pense que la Mercedes roulera toujours bien, parce que dans son expérience, ça a toujours été le cas. Mais appliqué au marché financier, c'est une présomption très dangereuse, parce que s'il est possible de tester une nouvelle voiture, malheureusement, il n'est pas possible de tester un nouveau système financier. Harry Lovelock, à nouveau. Regardez ce qui est arrivé aux sociétés de crédit immobilier, c'est une histoire terrible. Ah oui, les sociétés de crédit immobilier. En bon puritain, j'aimais les sociétés de crédit immobilier parce qu'elles incarnaient une merveilleuse idée de solidarité. Merveilleuse. Oui, il s'agissait essentiellement de mutuelles d'épargne, dont la raison d'être était d'aider les gens à s'acheter une maison. Elles servaient à un objectif social. Elles étaient prudentes, elles étaient frugales et elles croissaient. Et un beau jour, la Royal Bank of Scotland débarque. Elle jette un coup d'œil à Halifax et à ses 15 millions de clients. Et elle s'exclame, mon Dieu, quel beau carnet d'adresses. Et elle se dit, quel dommage qu'avec les règles des sociétés de crédit immobilier, on ne puisse pas divulguer cette liste. Ni leur vendre d'autres produits comme des retraites ou des assurances-vie. Et donc tout le monde se dit, hey, pourquoi ne pas transformer cette société de crédit immobilier en une banque? Comme ça, on pourra vendre toutes sortes de choses aux clients et notre croissance sera exponentielle. En l'occurrence, je travaillais pour la Bradford & Bingley, qui était dirigée par un groupe de gens du Yorkshire, très raisonnable, la tête sur les épaules. Eh bien, ils ont été unanimes. Nous voulons continuer à faire ce que nous faisons. Nous voulons proposer des emprunts aux gens pour les aider à s'acheter une maison. Mais à l'Assemblée Générale Annuelle, des actionnaires proposèrent la résolution suivante. « Devenons une banque ! » La direction n'eut pas d'autre choix que de s'incliner. Êtes-vous en train de dire que vous aviez des réticences? Et je suis avocat. Un avocat est contraint de faire un tas de choses qu'il n'approuve pas. Les actionnaires cherchaient une aubaine, c'est ça qu'ils voulaient, quelques milliers de livres sterling. Mais quand Bradford & Bingley est devenu une banque, je me souviens avoir éprouvé une aversion immédiate pour un cadre fraîchement arrivé qui déclara « J'attends une chose de cette entreprise. Ce que je veux, c'est une croissance régulière et progressive. » En d'autres termes, cette entreprise doit croître chaque année. Maintenant, nous savons tous qu'une croissance régulière, progressive, ça n'existe nulle part. Vous savez ça? Je le sais. Mais sur le marché des actions, ils ont pompé le profit et enculé l'avenir. Les gestionnaires de fonds examinent les affaires et leur demandent de rapporter de plus en plus d'argent. Enfin, il est arrivé un moment où ça sentait la corruption à plein nez. C'était de la folie. Et pourtant, les gens qui ont conçu cette folie, des gens qui prêtaient jusqu'à 125% de la valeur d'une maison, eh bien, ces gens-là refusent d'admettre avoir fait aujourd'hui quoi que ce soit de mal. Oui, moi, j'ai travaillé dans la finance, hein, pendant longtemps. Et je crois que si on vous dit « vous allez faire du 11 à 20% et vous allez faire ça chaque année », alors c'est que quelque chose cloche profondément. Et peu importe qui vous dit ça, que ce soit Bernie Madoff ou bien une banque en Islande. Mais je doute que la régulation puisse être d'un grand secours. Par définition, les régulateurs ne sont pas les gens les plus doués en matière de finance. Qui peut bien démarrer une carrière dans la finance en se disant « tiens, je vais être le régulateur en chef ». C'est aussi le trésor qui devrait être fustigé. C'est lui qui est censé surveiller les comptes. Il est censé avoir suffisamment de connaissances et de compétences pour garder un œil sur tout ce qui se passe et pouvoir dire « Eh oh mec, ton bilan là, il m'a l'air bien nébuleux. Hein ?» Quelqu'un a sans doute déjà mentionné Chuck Prince, non ? Non, personne. Ronald Cohen, à nouveau. Chuck Prince était le patron de Citibank. Il avait l'habitude de dire « Tant que l'orchestre joue, il faut danser. » Merveilleux, n'est-ce pas ? Les banques participaient tous à un marathon dansant. Impossible de faire un break, il fallait continuer à danser. Et votre seul espoir d'en réchapper, c'était d'être le plus près possible de la sortie quand la musique s'arrêterait. Vous n'osez pas vous arrêter. Parce qu'alors, vos clients retireraient leur argent et le placeraient dans une autre banque qui, elle, danse toujours. Et pendant ce temps, le bâtiment s'effondre, le toit s'ouvre sur le ciel, le hall glisse par-dessus la jetée et personne n'a la présence d'esprit d'arrêter le marathon. Oui, il y a toujours eu ce problème avec la dette titrisée. Ces actifs, vous les détenez. Enfin, du moins, ils figurent sur votre bilan. Ce sont toutes ces choses que vous avez achetées et vous dites que ce sont des actifs. Mais en réalité, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et puis arrive ce moment, ce moment de basculement. Si vous ne croyez pas en votre propre bilan, comment pouvez-vous croire au bilan des autres ? Le crédit, la confiance. Précisément. Je vais vous dire ce qui me sidère. Jonathan Crudas, à nouveau. Oui ? Ce sont tous ces banquiers. Ouais, bien sûr. Et tous ces banquiers qui incitent à l'endettement, qui font gonfler la dette et qui ne regardent même pas ce qui se passe sur leur propre bilan. Moi, je comprends très bien. Vraiment ? Bien sûr. Alors, expliquez-moi. Voilà. Franchement, à mon avis, on peut dire que si vous êtes payé 20 millions de livres par an, vous n'êtes pas vraiment incité à lire vos propres comptes. Tout va bien ? Ça va. Des questions ? Oui. Comment vous savez tout ça ? Je le sais, c'est tout. Et vous avez toujours su ces trucs-là ? Et autour de vous, tout le monde connaît ces trucs-là ? Eh oui. Waouh ! Waouh ! Bon, retournons à notre histoire. On y retourne. 27 juin 2007, après 10 années de bonheur à la chancellerie, le ministre des Finances, Gordon Brown, accède au rang de Premier ministre. Je pense vraiment qu'il est coupable, hein, mais vraiment. Howard Davis, à nouveau. Juste avant de devenir Premier ministre, Brown a présenté un budget absolument irresponsable, avec des baisses d'impôts, un dopage du boom économique, et tout ça avec en ligne de mire une élection qui n'a jamais eu lieu. On dit que Gordon Brown est intelligent, pour moi il n'est pas intelligent. Voilà. David Freud, à nouveau. Parce que c'est précisément au moment où il aurait dû ralentir l'économie qu'il l'a stimulé en faisant des investissements dans les services publics, comme il dit. Ça me fait toujours rire quand les hommes politiques parlent d'investissement. La moindre dépense qu'ils approuvent, ils appellent ça un investissement. Vous ne l'aimez vraiment pas, hein ? 5 jours à peine avant que Gordon Brown ne devienne Premier ministre, le premier craquement passe inaperçu. Aux États-Unis, la banque d'investissement Bear Stearns consent un prêt de 3,2 milliards de dollars pour tenter vainement de renflouer l'un de ses propres hedge funds en difficulté. Alors, je donne un cours sur l'effondrement des marchés et voilà ce que ça donne. Slump. Slump. Ça veut dire S-L-U-M-P, ça signifie crise économique. S-L-U-M-P. Appelez ça un acronyme ou un moyen mnémotechnique, comme vous voulez. Enfin, quoi qu'il en soit, ça s'écrit Slump. Et c'est un drame en cinq actes. S, comme subprimes. L, comme liquidity. U, comme unraveling, ça veut dire décomposition. M, comme meltdown, ça veut dire effondrement. Et P, comme pumping, injection massive, vous allez comprendre. Alors, acte premier, subprimes. Alors, il n'a jamais traversé l'esprit des banquiers que le marché immobilier puisse un jour s'effondrer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui nous mène assez rapidement au deuxième acte. L, liquidity, les liquidités. En fait, on peut dater avec précision le jour où l'argent a cessé de circuler, le 9 août 2007. Les banques ne savent pas quel truc exotique elles ont attrapé. Et tout aussi grave, aucune d'entre elles ne sait ce qu'ont attrapé les autres. Et dès lors, il n'y a plus qu'une seule chose sensée à faire, arrêter de prêter. Et soudain, ça vire à la partie de Cluedo. Toutes les banques se regardent en chien de faïence en se demandant « Mais qui donc est porteur de ce sale truc ? Le système est gelé. » C'est tout le problème avec les modèles mathématiques. Ronald Cohen, à nouveau. Quand on modélise le risque, on modélise uniquement son propre risque. On ne modélise pas le risque à l'échelle du système tout entier. La seule chose qui intéressait les banques, c'était leur propre situation. À aucun moment, une banque ne s'est demandé « Et qu'arrivera-t-il si plus personne ne peut ni emprunter, ni prêter ?» C'était hors modèle. David Freud, à nouveau. Ça, c'est tout l'inconvénient des statistiques. Par exemple, la probabilité qu'un homme de 50 cm entre dans cette pièce est très très faible. Hein ? Mais s'il s'avère qu'un homme de 50 cm passe cette porte. Alors cette probabilité n'a plus beaucoup de sens, non? Vous n'en avez pas moins à faire à un petit bonhomme d'un demi-mètre, là. Des événements dont les modèles avaient prédit qu'ils se produiraient une fois tous les 10 000 ans se sont produits chaque jour pendant 3 jours. Et 34 jours plus tard, la Grande-Bretagne enregistrait sa première victime. Elle s'appelait Northern Rock. Le jeune analyste financier de la Banque d'Angleterre, à nouveau. Ah bon Dieu, Northern Rock, ça c'est un sacré week-end, hein, oui. Quand Northern Rock s'est mis à couler, ça a été la panique à la Banque Centrale. Oui, mais en quel sens? On aurait dû se douter qu'on avait des problèmes. Hein. On était en pleine préparation d'un séminaire de 2 jours sur le thème de la grande stabilité. Dans le mille, hein, ça s'invente pas, ça. Une clique d'universitaires qui se réunit pour fêter le succès de la politique monétaire britannique. Alors, le dîner de la soirée d'ouverture fut un vrai festin de vanité, en bonne partie parce que Mervyn King, le gouverneur de la Banque Centrale, est lui-même universitaire, si bien qu'on était tous, entre universitaires, venus féliciter l'un de leurs pairs, et là, quelqu'un est venu souffler à l'oreille du gouverneur, Northern Rock est sur toutes les chaînes aux infos de 10h. S'il y a bien une image de la crise qui ne s'effacera jamais, c'est celle de tous ces gens faisant la queue devant Northern Rock pour tenter d'en retirer leur argent. Le 9 août, Mervyn King avait déclaré qu'il n'y avait pas de crise. Et le 14 septembre, il se retrouvait avec une ruée, mais à grande échelle, sur une banque britannique. Oui, à la minute même où nous l'avons su, nous aurions dû garantir les dépôts. Mais nous étions à mille lieues d'imaginer que les gens allaient faire la queue dans la rue. Nous aurions dû le savoir en Grande-Bretagne, quand les gens voient une file d'attente, ils la rejoignent. Quand la crise a éclaté, si King a été si lent à réagir, c'est parce qu'il s'inquiétait de l'aléa moral. L'aléa morale ? Oui. L'aléa morale, c'est l'idée selon laquelle seule la perspective d'une catastrophe peut empêcher les gens de prendre des risques délirants. Et si vous avez un filet de sécurité quand vous vous comportez mal, alors rien ne vous incite à vous comporter correctement. Le capitalisme sans la faillite, c'est comme le christianisme sans l'enfer. Maintenant, le témoignage d'un ancien PDG d'une société de prêts hypothécaires. Préfère rester anonyme. Top Magneto. Voyez-vous, mon histoire ne manque pas d'étrangeté. Toute ma vie, j'avais plutôt bien réussi dans la banque d'affaires, comme on disait alors. À 55 ans, je me suis rendu compte que j'étais au bout du rouleau, qu'il était temps que je prenne ma retraite, parce que les gens de 55 ans ne comprennent pas ceux de 35. J'étais hors du coup. Je faisais même pas semblant de comprendre. Quoi qu'il en soit, dans ce contexte, je prends ma retraite, quelque peu désorienté, et là, on me propose un poste de PDG d'une société de crédit hypothécaire. Et je me dis, bon, toute ma vie, j'ai fait des métiers d'action, il est temps de passer à un métier qui requiert de la sagesse. août 2007, donc. On voit poindre la catastrophe à l'horizon. Et dans les 12 mois qui ont suivi, là, je résume la période la plus douloureuse de mon existence, vu ce qui se passait dans le reste du système, nous avons fini par être trop petits pour survivre. J'ai pas arrêté de me repasser le film des événements dans ma tête. Pas arrêté, avec un doute atroce. Atroce. J'ai gagné ma vie en homme responsable. Toute ma vie. Puis je deviens PDG d'une société de prêts hypothécaires, et là, c'est le fiasco. Alors forcément, je me demande, est-ce que j'ai perdu toute capacité de discernement? Est-ce que j'ai été aveuglé par de redoutables et habiles salauds? Les gens racontent que si les banques ont fait faillite, c'est que les conseils d'administration ont fait preuve de négligence, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que leur propre cadre était en train de faire. Eh bien, moi, mon conseil d'administration était bourré d'hommes et de femmes d'affaires expérimentées. Ce n'était pas un troupeau de moutons bêlants, une bande de pirates ou de cow-boys. Je veux le tsunami. Bon et mauvais, nous avons tous été engloutis par le tsunami. Même après notre intervention et la nationalisation de Northern Rock, personne n'a vraiment capté la gravité de ce qui se profilait. Les gens se disaient, wow, pff, encore une tempête dans un verre d'eau. Personne ne s'est dit, cette fois-ci, c'est le déluge. Alors allez-y, parlez-moi du déluge. Le déluge, ça a été Lehman Brothers. Bon, non, mais reprenons d'abord. Donc, slump, hein, vous avez suivi, oui, S-L-U. Alors, U comme unraveling, ce que j'appelle la décomposition. Au Royaume-Uni, pour Mervyn King et le gouvernement, c'est le début d'une période assez trouble. Ils prennent des initiatives sans queue ni tête, comme de vendre Northern Rock à Richard Branson. Oui, je dois admettre que... Dès qu'on entend l'expression Richard Branson, c'est... Oui, tout à fait, c'est profondément embarrassant. Et puis pendant un an règne une période de tension où personne ne sait ce qui va se passer, comme chez Shakespeare. Oui, c'est toujours comme ça, au troisième acte. Mais exactement, le troisième acte. Chez Shakespeare, à chaque fois, au troisième acte, tout le monde se met à patauger... Et on voit pas très bien où William veut en venir. C'est ça. 9 mois se passent, une année se passe. Ça va pas des masses, mais bon, c'est pas encore la catastrophe. Et maintenant, au téléphone, le gestionnaire d'un hedge fund basé à Londres, qui s'apprête à dire du mal de Golden Sachs. Par conséquent, il souhaite rester anonyme. Londres, c'est à vous. Tous nos problèmes sont venus de Wall Street et de son industrie de titrisation. Et soyons clairs, c'est une industrie que je connais sur le bout des doigts. Wall Street a combiné de mauvais actifs, les a emballés au sein de structures opaques et les a vendus aux investisseurs. Et quand ces investissements-là ont commencé à chuter, ils n'ont pas perdu quelques pourcents de leur valeur, ni même 10%. Ils ont perdu 40, 50, 80%. C'est tout le château de cartes qui s'est effondré. À coup sûr, si le Trésor américain avait eu la moindre idée de ce qui allait se passer quand il a laissé couler Lehman Brothers, jamais il l'aurait fait. Ça aurait dû être réglé en douceur, mais au lieu de ça... Ça faisait un bon moment que Lehman Brothers avait des problèmes. Les gens sentaient bien qu'ils n'étaient pas nets. Et, excusez-moi, c'est pour ça qu'ils ont laissé couler Lehman Brothers ? En partie. À Wall Street, les rivaux de Lehman Brothers n'étaient pas trop mécontents de cette décision. C'était difficile de ne pas s'en rendre compte. Après tout, le secrétaire du Trésor américain n'était autre que Hank Paulson, qui avait travaillé à Goldman Sachs, et qui, avant de devenir ministre, avait empoché 500 millions de dollars sous forme d'actions Goldman Sachs. Le lien entre Goldman Sachs et le Trésor américain ne datait pas vraiment de la veille. Vous parlez d'un lien, mais quel genre de lien ? Un lien de chevauchement, d'échange, une relation intime. Et Goldman Sachs, c'est la banque américaine par excellence. Et ce qui n'a rien fait pour arranger les choses, c'est que l'homme qui dirigeait Lehman Brothers était un illustre connard bouffi d'arrogance. Dick Fight. Parlons carrément, personne ne croit que le Trésor américain aurait laissé couler Goldman Sachs. Lehman Brothers aurait très bien pu organiser son propre sauvetage, et ça tout le monde semble oublier, hein. Ils avaient reçu une offre parfaitement convenable de la Corey Development Bank. Au lieu de ça, c'est par pure arrogance qu'ils ont tenu à faire appel au gouvernement américain. Le Trésor américain venait tout juste d'organiser le sauvetage de Fannie Mae et Freddie Mac. Ils avaient conscience des difficultés rencontrées par Merrill Lynch. Ils devaient s'occuper d'American International Group. AIG. Compte tenu de son implantation en Chine, on ne pouvait pas laisser disparaître AIG. Si le système économique chinois avait subi des perturbations, alors là, les problèmes auraient été autrement plus graves. Le Trésor américain savait que Lehman Brothers était une sorte de décharge publique de déchets toxiques. Ils avaient tout misé sur le marché du crédit hypothécaire. Et donc, le Trésor américain a chargé son revolver, visé Lehman Brothers et appuyé sur la gâchette. Bang ! De mémoire d'entreprise, ça a été la plus grosse faillite de toute l'histoire. Panique à bord. Et on assistait à un effondrement semblable à l'explosion d'une supernova. Et voilà l'acte 4. L'effondrement. Il y a effondrement dès lors que survient le test du passant innocent, comme on dit. En quoi consiste ce test ? Imaginons une banque nommée la banque David Hare. Oh. Une banque privée. Dans ce cas, elle a toute latitude pour s'effondrer, car sa raison d'être est de servir les intérêts d'investisseurs professionnels, censés comprendre ce qu'est le risque. Mais si les clients de la banque David Hare sont des gens ordinaires, avec des comptes courants, dans ce cas-là, si elle s'effondre, c'est le passant innocent qui trinque. Et là, c'est différent. La réserve fédérale américaine s'est dit « Bon, ça va pas porter à conséquence si on laisse disparaître Lehman Brothers ». C'est une banque d'investissement. Malheureusement, quand Lehman Brothers a disparu, tout le monde s'est dit « Allez, on prend nos clics et nos claques et on se rentre ». On se retrouvait avec, le lundi, Lehman Brothers qui coulait. Le mardi, American International Group en difficulté. Et le mercredi, HBO dans des difficultés éclatantes. Paulson n'avait plus qu'à aller trouver le président Bush. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a utilisé l'expression « arrêt cardiaque ». Le capitalisme est victime d'un arrêt cardiaque. Il avait besoin que Bush comprenne bien la situation. Alors il l'a dramatisé. Et il a dit, d'ici la fin de la semaine, on ne pourra même plus retirer d'argent au distributeur. L'employé chargé de remplir la machine de billets aura été viré. Ah, tous subissaient une fuite de capitaux. JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Washington Mutual à raison de plusieurs milliards par jour. Je siège au conseil d'administration de JP Morgan. Et je peux vous dire que nous étions pendus au téléphone. Littéralement ? Ah oui. Et comment ça se passe ? Ah ben, je vais vous dire comment ça se passe. Vous décrochez pour appeler le Trésor américain et vous leur dites « Ici JP Morgan, il se peut qu'avant la fin de la semaine, on ait coulé. » Et la Réserve fédérale recevait des appels de ce genre de la part de toutes les banques américaines. Nous, tout ce que nous avons reçu, c'est un email. Quand ça, Macha ? Mais ce jour-là, très exactement, on a tous reçu un email de Dick Fuld. C'était au moment où vous travailliez chez Lehman Brothers ? Oui, j'y étais depuis 14 mois. Donc, c'était quoi ? Le 15 septembre ? Oui. Ce matin-là, quand on est arrivé, le silence régnait, puis un email est arrivé de New York. Merci, débrouillez-vous tout seul. C'est tout ? Et le lendemain, les journaux ont publié des photos de nous en train de quitter les bureaux avec des cartons soi-disant remplis de documents. J'ai vu ces photos, je m'en souviens. Vous savez ce qu'il y avait dans ces cartons ? Dites-moi. Voici ce qui s'est vraiment passé. La cantine de Lehman Brothers fonctionnait avec un système de crédit. Alors quand on s'est rendu compte qu'il nous restait du crédit à la cantine, on est tous descendus. Les cartons étaient remplis de Milky Way, de sandwichs et de yaourts. Quelqu'un a lancé que les t-shirts Lehman Brothers atteignaient $50 sur eBay. Et alors en quelques minutes, les banquiers juniors ont fait main basse sur tous les objets portant l'inscription Lehman Brothers. Il y avait un jouet anti-stress avec le slogan « Lehman Brothers ». La preuve d'une bonne gestion du risque. Et ça aussi, on l'a pris. Et comme nous étions banquiers, personne n'a parlé de pillage. Et ce soir-là, qu'est-ce que vous avez fait, Macha ? Je me suis rendue à la vente aux enchères de Damien Hirst, chez Sotheby's. Il a vendu un taureau avec des cornes en or pour 18,6 millions de dollars. My goodness ! Si la vente avait eu lieu une semaine plus tard, il aurait sans doute fallu qu'il paye quelqu'un pour le prendre. Hirst est un artiste qui a toujours eu de la chance. Oui, bon, voici enfin l'entrée en scène du gouvernement. Avec force injection d'argent dans toutes les banques. Le Trésor américain avait réussi à tenir son engagement en faveur de la liberté du marché pendant très exactement une journée. Le vendredi, la seule superpuissance planétaire faisait des choses qu'elle n'aurait même pas imaginées possibles le lundi. En début de semaine, elle aurait pu résoudre ses problèmes en dépensant quelques milliards. Arrivé à la fin de la semaine, ça lui coûtait 700 milliards de dollars. Et du jour au lendemain, voilà les États-Unis changés en pays socialiste. L'État possède les banques. Après avoir revendiqué tous les avantages de l'économie de marché, après en avoir tiré tous les profits, sans s'oublier au passage, les banquiers se précipitent à grands cris auprès du gouvernement. Donnez-nous de l'argent! Mince, faut nous donner de l'argent ou quoi? Sinon on va faire faillite! Et si on fait faillite, on entraînera tout le monde dans notre chute! Oui, du chantage en fait. Oui, du chantage. Et notez bien, il s'agit d'un socialisme d'un nouveau genre. Le socialisme pour les riches. Pour tous les autres, c'est business as usual. Dans le Michigan, à Cleveland, le socialisme, ils connaissent pas. C'est bon que pour Wall Street. Tous les autres galèrent autant que d'habitude. Et si je puis me permettre un avis, c'est à ce moment-là qu'un sentiment d'injustice a commencé à se faire sentir. En faillite tout à l'heure, sa chute est la plus grosse banqueroute d'une institution financière aux États-Unis. Le banquier américain a investi pendant 5 ans et ils ont beaucoup de responsables pour prendre des masses de crédits immobiliers sur le pays de l'entreprise dans la consommation. Et puis depuis un an, et ben ces banques américaines sont toujours remboursées. Leurs clients ne les remboursent plus parce qu'ils ont des difficultés à rembourser. Ils se retrouvent elles-mêmes en difficulté. Et les crises des subprimes, les banques américaines cherchent des repreneurs pour assurer leur survie. Si les mains se mettent en faillite, c'est parce que le Britannique Park les a refusés de rendre ses dons juridiques. Tandis que la Fed de Washington refuse de sortir du chèque. Elle a demandé d'être passée sous la protection de la banque sur la faillite. Un mécanisme qui protège pendant un certain temps encore les 639 milliards de dollars actifs de la banque. Et bien même les qui ont son ami qui est en train de tomber sur la tête des 150 salariés. L'employé de Lehman Brothers Paris, ils sont tous très remontés. Ils ne travaillent plus. Depuis ce matin, ils sont tous licenciés. Tous leurs téléphones sont bloqués. J'en ai même croisé un ce matin qui partait s'acheter un téléphone pour aller annuler ses rendez-vous avec ses clients. Howard Davis, ex-diplomate, ancien du Trésor, ex-directeur général de la Confédération de l'industrie britannique, actuellement directeur de la London School of Economics. Et voilà, ça y est, on touche au dernier acte. L'injection massive. Tout juste, l'injection massive de liquidités dans les banques et dans l'économie. Si j'ai bien compris, l'assouplissement quantitatif. Oui, la planche à billets. Le gouvernement déchaîne la planche à billets. Et comme dans tout dernier acte, la scène se couvre de cadavres. Et quel cadavre? La Royal Bank of Scotland, la Halifax Bank of Scotland, Lehman Brothers, la Northern Rock, et ça ne fait que commencer. Mais tout de même, si c'est le dernier acte, l'heure des comptes a sonné, elle aussi, non? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Est-ce que l'heure des comptes a sonné? À mon avis, l'affaire Fred Goodwin vous en dit long sur la question. Une journaliste du Financial Times refuse absolument que son nom soit cité. Vous savez qui c'est? Bien sûr, tout le monde sait qui est Fred Goodwin. C'était le PDG de la Royal Bank of Scotland. Eh bien, pendant tout le temps que je couvrais cette affaire, n'arrêtait pas de me revenir cette remarque d'Andy Warhol. Peut-être que vous la connaissez. Andy Warhol a dit tellement de choses brillantes. Une des choses que Warhol a dites, c'est que les gens ont des rapports sexuels en souvenir des rapports sexuels qu'ils avaient au bon vieux temps. Elle est très bonne. Pour reprendre ses propres termes, le sexe, c'est la nostalgie du sexe. Vraiment très bonne. Dans le cas de Fred Goodwin, c'était ça. Le deal. Fred Goodwin s'était hissé au sommet à coups de deal. Alors quand l'opportunité s'est présentée pour la Royal Bank of Scotland d'acheter une banque hollandaise du nom d'ABN AMRO, ça a été impossible de résister. Et le fait que tout le monde lui dise qu'il était fou n'a fait que rendre cette perspective encore plus alléchante. C'était comme ça que Fred Goodwin s'était forgé un nom à l'origine, à grande bordée de deals impossibles. Pour lui, un de plus, c'était irrésistible. Le deal fut la nostalgie du deal. Ronald Cohen, à nouveau. Vous connaissez Fred, je veux dire, personnellement? Non, je ne le connais pas. Bon. Il y a peu de chances qu'il accepte de vous rencontrer, j'imagine. Vous savez quoi? Ça m'étonnerait. D'abord parce qu'il vit cloîtré sur la Riviera, et ça m'étonnerait que j'arrive à passer les chiens de garde à l'entrée. Bah, supposez que nous oscillions tous entre deux pôles, l'intérêt pour autrui et l'intérêt personnel. Alors Fred campe résolument sur le pôle de l'intérêt personnel, hein, aux antipodes de l'intérêt pour autrui. Rien au monde ne l'intéresse davantage que sa réussite personnelle. Il a manigancé l'achat de ABN AMRO dans un état d'excitation délirante, digne d'une colonie lancée à la conquête de l'Empire. Une banque écossaise allait devenir la première banque au monde. Et c'est tout ce qu'il a vu. Il n'a pas vu que son deal allait anéantir sa banque et l'amener tout droit à la faillite. D'ailleurs, c'est là que les gens se trompent quand ils accusent les banquiers d'avidité. Ce n'est pas de l'avidité. Le pouvoir ? Même pas. Quoi alors ? C'est la chose en elle-même. C'est ça l'enjeu. Madame, est-il vrai qu'on a fait répéter Fred Goodwin ? Ah, vous avez eu honte de ça ? Oui. Pour son intervention à la Chambre des communes. Exactement. C'est exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Fred Goodwin devait comparaître devant une commission d'enquête à la Chambre des communes afin d'expliquer pourquoi RBS avait plus ou moins détruit l'économie britannique. Cette comparution exigeait qu'il soit bien préparé. Il avait déjà engagé un ancien rédacteur en chef de News of the World. Et là, il s'entourait d'un groupe d'un ancien conseiller de RBS pour tenir le rôle de la commission et lui ont fait passer des euros blancs. Ils avaient le job rêvé, être payés pour insulter Fred Goodwin. Et il a pris ça comment ? À ce que je sais, il a détesté ça. Ils lui ont dit, quand vous comparaîtrez devant la commission, il va falloir que vous présentiez vos excuses. Mais Fred a répondu qu'il ne voyait pas pourquoi. Et ils lui ont dit qu'il faudrait bien qu'il en passe par là. Il a refusé et ça a continué comme ça pendant près d'une heure. Fred Goodwin répétait « Et pourquoi je devrais m'excuser ?» Et de guerre lasse, quelqu'un a fini par lui répondre « Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer pour un parfait connard. » Et c'est là seulement que Fred Goodwin a commencé à comprendre. Mais au-delà de cette histoire d'excuses, cet enjeu en recouvrait un autre, plus profond. Fred Goodwin pensait que personne n'était en droit de l'interroger. Surtout, il n'avait pas l'habitude d'être interrogé. On lui a expliqué « Mais c'est comme ça que la démocratie fonctionne, ils sont en droit de vous poser ces questions. » Et il a rétorqué « Mais ça ne leur donne pas droit d'ignorer les faits. » Quels faits ? Je ne comprends pas. Ces gens-là me sidèrent. Vraiment, ils me sidèrent. Pourquoi ? Et voilà un homme qui a acheté ABN Amro sans même remarquer qu'elle était bourrée d'actifs toxiques, qui a détruit sa banque, qui a failli détruire l'économie anglaise. Quelle ligne de défense peut-il bien avoir ? Tout d'abord, il soutient que c'était une décision du conseil d'administration qui a été approuvée par le président. Ensuite, que dans le contexte économique de l'époque, c'était une bonne décision et que personne n'aurait pu prévoir la façon dont les choses allaient tourner. Croyez-moi, il est très très remonté. Il est remonté ? Et comment ? Mais remonté contre quoi ? Fred Goodwin est essentiellement remonté contre les marchés dont le comportement s'écarte de sa définition de la rationalité. En bref, le désastre ne saurait lui être imputé parce qu'il n'a pas pu se tromper. Par conséquent, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. Et donc, par élimination, si ce n'est pas de la sienne, ça ne peut être que la faute du marché. Il n'est pas possible d'imputer le désastre à des circonstances imprévisibles, car même si elles avaient été imprévisibles, étant qui il est, Fred Goodwin aurait prévu jusqu'à l'imprévisible. Mais c'est dingue. Il peut pas être dingue à ce point-là. Vous savez, je discute avec beaucoup de banquiers. Je cherche encore celui qui sera un tant soit peu désolé. Pas un n'éprouve une once de regret. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont persuadés de n'avoir rien fait de mal. Oh, bien sûr, ils sont tout à fait conscients d'être impopulaires. Hein. C'est même pour ça qu'ils se sont remis à parler aux journalistes. Je dois vous avouer que j'étais estomaquée de découvrir le degré de stupidité des banquiers. Ces gens-là se prennent pour les maîtres du monde, en toute ingénuité. Et pourquoi les maîtres du monde ? Parce qu'ils sont payés 50 fois plus que n'importe qui. Ah, ça prouve bien qu'ils sont forcément plus intelligents que n'importe qui. Aucun banquier ne croit à la chance. Quel que soit leur salaire, ils sont tous convaincus qu'ils le méritent. Voilà la racine du mal. Leur salaire est complètement déconnecté de la réalité. Dans un marché digne de ce nom, vous demandez « Combien dois-je payer David Hare pour qu'il écrive cette pièce ?» Et vous n'allez pas dire ensuite « Eh bien, payons-le cette somme multipliée par 50. » Or, à compter de l'an 2000, le marché du recrutement bancaire a cessé d'être un marché sincère. Soudain, les banquiers ont décidé que sous prétexte qu'ils travaillaient dans une chocolaterie, ils avaient tout loisir de se gaver de chocolat à volonté. Ils ont fini par se persuader que c'était eux qui gagnaient de l'argent et pas leur entreprise. Ce en quoi ils ont tort, ils gagnent de l'argent pour leur entreprise. Mais ça, ils ne l'acceptent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ils ne l'acceptent pas » ? Ils ne l'acceptent pas, c'est tout. Mais et vous ? Est-ce que vous l'accepteriez, vous ? Est-ce que je l'accepte ? C'est ce que je vous demande, oui. Quand vous écrivez une pièce et que les critiques disent que c'est de la merde, est-ce que vous l'acceptez ? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne l'accepte pas. Enfin, voyons, absolument pas. Pourquoi le devrais-je ? Il se plante à chaque fois. Très juste. Alors, où est la différence ? Si on se laisse entraîner sur ce terrain-là, si on se met à accepter tout ce que disent les critiques et à ramper devant le public, mon Dieu, autant aller se flinguer tout de suite. C'est la mort de toute estime personnelle. Alors, en quoi les auteurs de théâtre seraient-ils si différents des banquiers ? On n'en reviendrait pas à la confiance en soi, par hasard une certaine dose de confiance en soi indispensable. Indispensable pour un banquier, tout autant que pour un auteur de théâtre ? Bien sûr que c'est indispensable. Seulement, même un auteur de théâtre est conscient qu'il existe une chose appelée réalité. Très bien. Ok. Ok. Je vous ai blessé. Non, je vous assure, vous ne m'avez pas blessé. Je vous ai dit que j'avais l'habitude de sortir avec des amis d'Oxford. Ils sont tous partis à la City, tandis que moi, je suis partie faire du journalisme. Je leur répétais. Le groupe qui détient mon journal a accumulé Dieu sait combien de millions en profit l'année dernière. Mais vous savez quoi ? Je ne considère pas que cet argent m'appartient. C'est une question d'éthique. Je considère qu'il appartient au groupe, pas à moi. Et eux, ils me disaient, je vais devoir quitter mon boulot. Il n'est pas question que je reste pour seulement 1 million par an. Et ma réponse, c'était, non mais est-ce que vous vous entendez parler ? Vous vous entendez ? Oui. Les journaux n'arrêtent pas de nous seriner que la richesse ruisselle de partout. Bon, pas dans notre bureau en tout cas. Non, dans notre bureau, c'est plutôt les problèmes qui ruissellent. Mais la richesse, certainement pas. Tom Wish, vice-directeur. Bureau de conseil aux citoyens, West Midlands. Les gens qui nous sollicitent se répartissent en deux catégories. Il y a ceux qui ont déjà des problèmes. Donc deuil, chômage, drogue, alcool, violence familiale, maladie mentale. Leur dernier malheur en date, la perte de leur maison, la saisie de leurs biens, n'est qu'un maillon au sein d'une longue chaîne. Et il y a ceux qui sont dans le déni. Voilà des mois que les lettres recommandées s'accumulent dans leur boîte aux lettres, ils les ont toujours pas ouvertes, ils les ont soigneusement ignorées, parce que c'est humain, on s'imagine qu'en ne pensant pas à ces problèmes, ils finiront par s'évaporer. Mon métier consiste à conseiller aux personnes endettées qui ils doivent payer et dans quel ordre. Et en règle générale, les créanciers qui sonnent à votre porte au beau milieu de la nuit en vous réclamant à grands cris leur argent sont les moins légitimes pour vous en soutirer. Alors, qui dois-je payer ? Qui vous devez payer ? Les impôts locaux. Si vous ne payez pas les impôts locaux, vous irez en prison. Autre chose à retenir. Pour un découvert de carte bancaire, vous n'aurez affaire qu'à des huissiers respectables. Autrement dit, des professionnels salariés travaillant pour des magistrats. Mais les huissiers qui collectent les impôts locaux, eux, ils ont été privatisés, et donc, ce sont de vraies ordures. Mais alors, est-ce que je suis vraiment obligé de compenser mon découvert de carte bancaire ? Ça, c'est à vous de voir. L'issue la plus probable, c'est qu'au bout de quelques mois, ils revendent votre dette. Ils la revendent ? Mais bien sûr, ils la revendent. S'ils ne peuvent pas la collecter, ils la vendront à quelqu'un d'autre, pour 50% de son montant, disons. À une autre société. Et une fois la vente effectuée, une nouvelle équipe d'huissiers vient vous rendre visite. Mais ensuite, après un mois ou deux, ils revendent à nouveau votre dette, et cette fois pour 20%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque étape, le percepteur paie de moins en moins pour assumer le risque. Et du coup, collecter la dette devient de moins en moins urgent. On peut donc dire que, sur le long terme, le système joue en votre faveur. Simon Loftus, trader obligataire, 24 ans. Pas bien. Moi, tout ce qui m'importe, c'est mon salaire. C'est la seule raison pour laquelle j'ai voulu devenir trader, pour gagner beaucoup d'argent. Et si je ne gagne pas assez d'argent, je me tire. J'ai fait 3 ans de maths à Oxford. Les gens disent que c'est dur, mais en réalité, il n'y a rien de plus facile. Au moins, bien sûr, de vouloir décrocher la mention très bien. Mais on peut tout à fait se la couler douce et obtenir une mention bien. Dès ma sortie d'Oxford, j'ai été embauché par une grosse banque américaine. Mon travail consistait à acheter et vendre des obligations du trésor. Pas besoin d'être un génie. C'est juste une question d'adrénaline. Quand on a gagné de l'argent au cours de la journée, on se sent très satisfait. La seule chose qu'il faut, c'est de la discipline. Un trader doit toujours sortir quand il a prévu de sortir. Mais il y a trop de traders qui se disent « Allez, pourquoi je ne m'accrochais pas encore un petit peu ? Peut-être que ça va continuer à grimper. » Non. Une fois atteint ce point-là, il faut déguerpir. Vous voulez savoir ce que je pense ? Je me sens trahi. La société a suremprunté, les banques ont été imprudentes, les politiciens ont mal régulé l'économie. Et au bout du compte, c'est toute ma génération qui reste en rade. Le bon temps, c'était avant. Oui, c'était facile d'être trader quand tout était à la hausse. Impossible de se tromper. Les types recevaient des bonus incroyables. J'ai le sentiment que les baby-boomers ont tout raflé. Mais vous voulez dire des gens comme moi, quoi ? Oui. Absolument. Vous, Vous avez tout raflé sans rien nous laisser. Sinon, de la dette à gogo qu'il va nous falloir des années pour rembourser. Moi, je vais partir de Grande-Bretagne. Il faut regarder la situation en face, ce n'est pas un pays d'avenir. Qu'est-ce qui nous reste? Une dette gigantesque, des impôts élevés. Si je suis taxé à 50 ou 60%, bah quel intérêt? Hong Kong, ça c'est du gâteau. Tout le monde exige des banquiers qu'ils fassent des excuses, mais vous pouvez toujours attendre. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas ainsi qu'on réagit quand on est attaqué. Quand on attaque quelqu'un, il se défend et les banquiers se sentent attaqués. La banque est un monde sauvage et conflictuel et ce n'est pas parce que le climat se durcit que ça va changer, bien au contraire. Fin tout délibéré, c'est un festival d'impuissance, en particulier de la part des hommes politiques. Leur attitude, ça a été « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout essayé. On ne peut quand même pas faire des lois contre l'avidité, non ?» Les banquiers ont parfaitement réussi à nous faire gober que c'est une récession comme une autre. Mais ce n'est pas le cas. Cette récession-là a été déclenchée par une panne du système financier. Et les causes en sont très spécifiques. Avec une législation adéquate, on peut empêcher que ça ne se reproduise. Mais les hommes politiques n'en ont pas la volonté parce que, soyons francs, voilà ce qu'ils se disent. Quand mon mandat arrivera à son terme, eh bien j'aurai peut-être un siège au conseil d'administration d'une banque. And when I saw an article today indicating that Wall Street bankers had given themselves $20 billion worth of bonuses. Wall Street bankers had given themselves $20 billion worth of bonuses. Et voilà. Voilà toute l'histoire. C'est tout? C'est tout. Et qu'est-ce qui se passe après? Je suis incapable de vous dire ce qui se passe après. Pourquoi pas? Vous n'avez rien écouté. Si cette histoire a une morale, c'est justement qu'à trop vouloir prédire l'avenir, on finit par s'en mordre les doigts. Vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup. Vous avez été formidable. Merci. Alors, vous lui avez trouvé un fil rouge à cette histoire? C'est ce que je croyais. Je crois, oui. Son fil rouge, c'est la mort d'une idée, pas vrai? Vraiment? Oui. Mais quelle idée? Depuis les années 80, les gens répètent que les marchés sont convenables et raisonnables. Désormais, nous savons qu'il n'en est rien. Rien du tout. Nul n'aurait le front de vous dire les yeux dans les yeux que les marchés fonctionnent. Quels étaient les termes d'Alan Greenspan déjà? Tout notre édifice intellectuel s'est effondré. Il a dit ça. Oh, vous retrouverez facilement, c'est publié. Allez voir sur Google, il l'a dit. Et pour nous, c'est ça, la leçon de cette histoire. Les marchés ne sont pas convenables et encore moins raisonnables. Cette idée-là est révolue, morte et enterrée. Morte de sa belle mort. Et? Et? Quoi d'autre? Quoi d'autre, dites-moi. Oh. Parmi les choses que j'ai remarquées, tous les gens qui croyaient pas à la bulle financière, regardez leurs noms. Nouriel Roubini, Nassem Taleb, ils viennent tous de pays en perpétuelle implosion. L'Iran, le Liban. J'aime bien travailler avec Ronnie Cohen. Parce qu'en un sens, lui et moi, on est pareil. Ronnie et sa famille ont été chassés d'Égypte au moment de la crise de Suez, et moi, mon père a été chassé d'Autriche en 1938. On est des réfugiés tous les deux. C'est le genre de choses qui vous marquent dans dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, on perçoit les choses plus distinctement. Ils avaient le devoir de sauver le système bancaire. Le devoir. S'ils ne l'avaient pas fait, on se serait tous retrouvés à devoir monter la garde devant nos maisons, fusil au poing, pour protéger nos stocks de nourriture. À la suite du scandale des Savings and Loans, 3630 banquiers ont été envoyés derrière les barreaux. C'est drôle, cette fois, j'ai pas vu de menottes. Étonnant, non ? Alistair Darling parle actuellement d'un retour à la croissance d'ici quelques années avec un taux de 3%, sinon plus. Je me demande bien ce qu'il fume. Moi, j'aime bien Darling. Mes amis du Trésor me racontent qu'on le voit errer dans les couloirs en déclarant... Eh ben, depuis 2 ans que je suis à ce poste, j'attends toujours qu'on me dise où Gordon a planqué l'argent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'acharne à critiquer les Chinois pour non-respect aux droits de l'homme en fonction de nos standards. Et ils vont pas tarder à devenir la première puissance mondiale, alors il me semble qu'on devrait se faire à l'idée d'être gentil avec eux, non ? Nous sommes en train de léguer à la génération suivante une dette prodigieuse qui va lui ruiner tout espoir de progrès en termes de formation, de santé, voire d'existence. Ma famille s'est enfuie de Sarajevo après 3 ans de guerre. J'avais 10 ans. J'ai traversé un tunnel secret creusé sous l'aéroport. Puis j'ai franchi le sommet d'une montagne. 12 000 personnes sont mortes au cours d'un siège qui a duré plus de 4 ans. Je sais pas si je dois me réjouir d'être encore en vie pour raconter cette histoire, ou bien me ronger le cœur d'avoir une telle histoire à raconter. Ma plus grande fierté quand j'ai quitté le secteur bancaire, c'est que j'avais encore ma fortune, ma forme et ma femme. Eh bien, ce genre de cas, ça se compte sur les doigts d'une main. Les gens avec qui je sors n'arrêtent pas de dire « C'est trop injuste, je suis payé 500 000 $ ». Et ma réponse est « Vous savez seulement ce que ça signifie, injuste ?» Et oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent plus sortir avec moi. Ah, monsieur Hare, soyez le bienvenu. Enchanté. J'ai reçu votre lettre. Vous écrivez quelque chose sur la crise financière. En effet, oui. Et d'après moi, en ce moment, les gens sont en train de prendre de mauvaises décisions, car ils s'imaginent qu'ils peuvent rétablir tout le système à l'identique. Mais ils se trompent. Nous vivons un moment bien trop critique. Pour cela, nous allons nous affaiblir, tandis que la Chine va se renforcer. Vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle avait vocation à transmettre un message. Si vous faites tous le geste au bon moment, et si vous faites ces gestes tous ensemble, alors vous obtiendrez un spectacle très réussi. Mais si vous marquez la moindre différence, le spectacle ne marchera pas. C'est un message terrifiant. Oui, terrifiant. Beaucoup de Chinois regardaient et ils savaient que c'était terrifiant. Le capitalisme occidental a prospéré en se basant sur la réussite individuelle. Le capitalisme chinois va prospérer en se basant sur la réussite de l'État. J'ai lu que vous n'investissiez plus en Russie. C'est exact. Pourquoi donc ? Ben, j'ai fait l'erreur de croire que la Russie se convertissait au capitalisme traditionnel et non à un capitalisme mafieux. Je pensais que le choix entre 2 entreprises de communication serait un choix capitaliste traditionnel. Mais le choix était fait d'avance et je m'y suis brûlé les ailes. J'ai perdu $1 milliard. Vraiment ? Mais qu'est-ce que ça fait de perdre ? $1 milliard ? Moi, je n'aime pas ça. Ça me contrarie beaucoup. Mais vous arrivez quand même à dormir Oui, j'arrivais à dormir, mais j'étais de mauvaise humeur. Vous vous êtes mis à crier, à tout balancer par terre Oh non ! Mais si je l'avais fait, je m'en serais peut-être remis plus rapidement. C'était très mauvais pour l'ego de gérer un hedge fund. Et quand ça devient bon pour l'ego, c'est là qu'on se ramasse la gueule. Demandez-moi donc si je connais Alan Greenspan. Vous connaissez Alan Greenspan ? Il y a eu un rapprochement entre lui et moi. On a déjeuné en tête-à-tête à Zurich. Il est fasciné par Ayn Rand, la révolte d'Atlas, la source vive, vous voyez. Comme il est fan de ses livres, il croit en la destruction créatrice. Quand on s'est rencontrés à Zurich, c'était avant la crise actuelle, et au cours du déjeuner, il m'a dit « Les marchés sont imparfaits, mais ils procurent de tels bénéfices qu'il faut bien se résigner à ce qu'ils s'effondrent de temps en temps. » Et alors, il n'y a plus qu'à ramasser des morceaux. Et puis, je l'ai revu récemment, après la crise. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Ce que j'ai dit en juin dernier n'est plus exact. » C'est incroyable. Oui, mais dès notre premier déjeuner, déjà, le déjeuner de Zurich, quand il m'a dit « Les bénéfices procurés par le marché sont si élevés et qu'il faut accepter d'en payer le prix », à ce moment-là, déjà, oui, là, déjà, j'avais ma réponse. Et quelle a été votre réponse ? Ma réponse. Eh oui, nous voulons savoir ce que vous avez dit. J'ai dit oui, Alan. Mais les gens qui finissent par en payer le prix ne sont jamais ceux qui touchent les bénéfices. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Le pouvoir de dire oui. Un dramaturge cherche à comprendre la crise financière. Une pièce de David Herr, traduite par Gérald Garouti, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez. Réalisation Alexandre Planck. Avec John Arnold, Christophe Brault, Julie Pilot, Pierre Vial, Gilles Privat, Éric Charon, Jean-Yves Châtelet, Jean-Marie Frein, Nicolas Maury, Rodolphe Congé, Quentin Bayot, Luc-Antoine Diquero, Valérie Dashwood, Stéphane Konarske, Charlie Nelson et Michel Robin, Hervé Furic, Philippe Ciboulet. Création sonore et musique, John Cassed, Michael Schaller, Anthony Capelli. Équipe de réalisation, Bernard Legac, Mathieu Leroux, Célia Dufour, Sébastien Huel, Lucas Vaillant, Guillaume Rialan, Lélio Ploton, Guy Peramor, Baptiste Guiton. Cette pièce était enregistrée en public dans la grande salle du Théâtre de la Ville le lundi 6 juin 2011 dans le cadre des Chantiers d'Europe.